Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin encore une fois se tourner vers la parole de Dieu, vers l'évangile de Marc, et nous allons étudier une autre parabole que j'ai intitulée la parabole de la balance. Notre Père du ciel, c'est avec joie encore une fois que on s'assied à tes pieds, à travers nos ordinateurs, à travers nos bibles, à travers nos lecteurs MP3, à travers nos téléphones intelligents, peu importe quelle méthode on prend, on s'assied à tes pieds. Et on veut que tu nous parles. Car ta parole est la vérité. Ta parole éclaire nos chemins, nos sentiers. Ta parole illumine les vies. Ta parole nous fait voir la vérité pour confronter le mensonge. Ta parole nous donne la force de dire non à Satan, parce qu'elle nous donne un contenu pour notre foi qui est vrai. Mon Seigneur, instruis-nous encore une fois par cette parabole qu'on appelle la parabole de la balance. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les paraboles. Vous vous souvenez des trois buts de la parabole, des paraboles? Premièrement, le premier but de la parabole, c'est d'enseigner. Pas enseigner n'importe quoi, mais dans notre texte du chapitre 4 de Marc, le but c'est de révéler le mystère caché du royaume de Dieu. Le mystère. Le royaume de Dieu, tous les Juifs attendaient le royaume de Dieu. Tous les Juifs désiraient le royaume de Dieu. Mais, pas le royaume de Dieu comme Jésus présentait. Donc Jésus dit, je vais me servir des paraboles pour vous enseigner le royaume de Dieu tel que Dieu le conçoit, tel que Dieu le veut, tel que moi qui est le roi de ce royaume de Dieu-là, je veux gouverner. Donc le royaume de Dieu, faut pas l'inventer ou prendre nos désirs par rapport au royaume de Dieu pour la vérité. Le royaume de Dieu va nous être révélé à travers les paraboles de Jésus. Et on a vu que les paraboles aussi étaient utilisées comme méthode d'enseignement parce qu'ils divisent. Ils divisent entre ceux qui sont du dedans et ceux qui sont du dehors. Ceux que Dieu a choisis et qui vont comprendre ce que les paraboles veulent dire, et ceux qui sont du dehors, ceux que Jésus n'a pas choisis et qui vont pas comprendre l'enseignement des paraboles. Donc, la parabole a comme pouvoir d'éclairer ceux du dedans et de laisser dans les ténèbres ceux du dehors. On a vu que la troisième raison de la parabole, c'est de garder l'homme humble et donner de la gloire à Dieu, si je peux dire ça comme cela. L'homme ne peut pas comprendre. Il est obligé d'avouer son incapacité à comprendre. Et de demander à Jésus, pendant qu'il était sur la terre, explique-nous, qu'est-ce que tu veux dire par ces paraboles-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le sens spirituel de cela? Aujourd'hui, ceux qui lisent la Bible comptent sur le Saint-Esprit pour les éclairer afin de comprendre l'enseignement des paraboles. On a vu jusqu'à date la parabole du semeur, que Jésus enseigne la parole de Dieu, et il y a des gens qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont aimer la parole de Dieu, qui vont la recevoir la parole de Dieu, mais vont jamais porter de fruits. Pour des raisons qui étaient Satan, les raisons qui étaient les tribulations, les raisons qui étaient la convoitise de ce monde, ces choses-là les empêchent de porter du fruit. La quatrième groupe de personnes, qui était la bonne terre, eux autres reçoivent la parole et ils la reçoivent tellement bien dans leur cœur, je peux dire ça comme ça, qu'ils vont porter du fruit à la gloire de Dieu ou à la gloire du royaume de Dieu ou à la gloire du roi du royaume de Dieu. Ensuite, on a vu l'autre parabole, la parabole de la lampe. Jésus, qui est la lampe, qui éclaire de sa lumière, va dévoiler les cœurs, va dévoiler ce qui est secret dans la vie des gens. Va démontrer pourquoi les gens rejettent Dieu. Pourquoi les gens, des fois, veulent utiliser Dieu avec une mauvaise raison. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on va laisser la lumière nous éclairer et accepter ce que la lumière dévoile du cœur humain? Dans mon expérience personnelle, c'est l'obstacle qui a été dans ma vie. Je voulais pas admettre que j'étais ce que la parole de Dieu disait que j'étais, un pécheur jusque dans la moelle des os. Et quand je prêche l'Évangile aujourd'hui, c'est ce que je retrouve dans la vie des gens aussi à qui je parle. On ne veut pas accepter, on ne veut pas admettre, on ne veut pas croire ce que Jésus dit de l'être humain. On aime mieux croire la pensée nouvelle, le New Age qu'on appelle, Nouvel Âge. On aime mieux croire aux religions qui disent que l'être humain n'est pas si mauvais que ça. On aime mieux croire autre chose. Donc on ferme la lampe qui est Jésus-Christ, puis on écoute un autre gourou qui va nous dire ce qu'on aime entendre dire. Et ce matin, on va lire une autre parabole. Et chaque parabole est débutée par les petits mots « il dit encore ». « Il dit encore ». On a eu la première parabole, qui est le semeur, au verset 21. « Il leur dit encore ». Et là, on s'en va au verset 24, il leur dit encore. Et c'est ce que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pas long, hein? Deux petits versets que j'ai intitulé la parabole de la balance. Parce qu'on parle de mesure. On parle de poids. Qui était une expérience ou quelque chose qui arrivait dans la vie des gens quasiment à tous les jours. On avait des balances partout. Aujourd'hui, nous, on s'en va dans les magasins pour acheter. Nous avons au marché. Et les aliments qu'on achète sont déjà toutes pesées. Ou en grande partie toutes pesées. Ils sont emballés dans des boîtes de 1 livre, 2 livres, 3 livres. Mais dans ce temps-là, au temps de Jésus, quand on allait au marché acheter, on avait des balances. Et si tu demandais à quelqu'un 1 livre de grain, mais le gars mettait un poids, une mesure, un poids d'une livre, puis dans l'autre côté de la balance, il mettait du grain, jusqu'à temps que les deux balancent, donc on avait 1 livre de grain. Tu demandais 5 livres de patates, on mettait un poids, une mesure de 5 livres, et on mettait dans l'autre bol 5 livres de patates, et ça balançait. Mais comme c'était la coutume, et on voit ça à travers la Bible, dans les histoires, qu'il y en a qui avaient de fausses mesures. Ils prenaient un poids qui était marqué dessus 5 livres, mais le poids en réalité pesait seulement que 4 livres et 10 onces. Donc on volait 6 onces à chaque personne qui achetait des livres. Donc il dit, fais attention avec quoi, qu'est-ce que tu vas te servir comme mesure? Parce qu'on va te mesurer avec la mesure dont vous vous êtes servi. Si tu as pris une fausse mesure, mais on va te donner selon ta fausse mesure. Mais Jésus emploie ça pour nous faire comprendre une vérité. Ici, il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Et pour certains, si la mesure est correcte, on va y ajouter. Pour d'autres, on va enlever la mesure. Quelle est donc cette mesure? Mais lui compare la balance au verset 24 en disant, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Donc, ce que la balance, c'est ce qu'on entend. La mesure, c'est ce qu'on entend. Il dit, vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses dans le monde. On vient au monde, j'ai entendu dernièrement qu'on disait qu'un enfant de 12 ans aujourd'hui ont entendu plus de choses qu'un homme de 65 ans de la génération qui nous a précédés. Les jeunes aujourd'hui de 12 ans ont vu plus de choses que les gens de 100 ans de la génération avant. Faites attention à ce que dit que vous entendez. Vous allez entendre depuis qu'on est au monde. Jusqu'à temps qu'on meure, à moins qu'on soit sur les muets, mais on va s'organiser pour qu'on entende pareil, hein? Ce que tu vas entendre. Parce qu'on va te mesurer à partir de ce que tu as entendu. Mais dans notre contexte, de quoi Jésus fait-il allusion? Ben, je crois qu'il fait allusion à ce que lui a enseigné et ce que les scribes ont enseigné, ce que les pharisiens ont enseigné, ce que les prêtres ont enseigné. Je crois que Jésus, s'il se compare entre lui et les autres enseignements, attention à ce que vous entendez, ce que vous allez pour entendre, attention à ce que vous entendez. Ce que vous entendez est-il vrai ou c'est faux? Si vous vous mesurez avec ce que vous entendez, soyez sûr que la mesure soit bonne. Si vous prenez l'enseignement de Jésus, la mesure va être bonne. Parce que ce qu'on va mettre dans la balance, là, c'est vous. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera. Donc, on vous mettra dans la balance. On va vous mesurer avec ce que vous avez pris comme mesure. Donc, vous êtes mieux, Jésus dit, d'avoir la bonne mesure. Vous êtes mieux d'avoir le bon poids, un poids vrai, une mesure juste. Parce qu'on va s'en servir pour vous mesurer. Il dit, si tu as pris un bon poids, on va t'ajouter, on va te faire du bien avec ça. Si tu as pris un mauvais poids, on va t'enlever même ce que tu n'as pas. Qui est ton enseignant? Bouddha ou Jésus? Krishna ou Jésus? Mahomet ou Jésus? Un saint quelconque ou Jésus? Un gourou quelconque ou Jésus? Qui est-ce que tu crois? Joseph Smith ou Jésus? Qui est-ce que tu crois? C'est quoi ta mesure? Avec quoi est-ce que tu te pèses? Est-ce que tu te pèses avec ce que Jésus a dit? Ou si tu te pèses avec ce que certains scribes ont dit, certains pharisiens ce qu'on dit, ou aujourd'hui, la science dit. Il y en a là qui, la science l'a dit, c'est vrai, la science l'a dit. La science l'a démontré, c'est vrai. Jésus, lui, c'est le bon poids, c'est la bonne mesure. Oh, il y en a qui vont vous dire toutes sortes de choses sur le royaume de Dieu. Il y en a qui vont vous dire comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu, comment vivre dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Oh, il y en a qui vont vous dire un paquet d'affaires. Mais Jésus vient, lui, puis dit, moi, je viens vous annoncer l'évangile de Dieu. Je vais vous faire connaître le mystère du royaume de Dieu. C'est mon poids qui est juste. C'est ma mesure qui est bonne. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il a toujours raison. Quand Jésus parle de l'être humain, il a toujours raison. C'est lui qui a créé l'être humain. Il sait comment l'être humain est fait. Il connaît les cœurs. Il est la lumière. Donc, il voit dans ton cœur. Peu importe ce que tu penses de toi. Peu importe ce que ta femme dit de toi. Peu importe ce que tes enfants disent de toi. Peu importe ce que ton gourou dit de toi. Jésus, c'est la lumière. Et vois ton cœur tel qu'il est dans les profondeurs qui sont là. Moi, je vous dis, si toutes mes pensées de ma vie passeraient sur un mur blanc, j'aurais une honte terrible de toutes les pensées que j'ai eues, tous les gestes que j'ai faits dans le secret et dans l'intimité, toutes les pensées, toutes les raisons que je disais pas aux gens pourquoi je faisais les choses. Je suis prêt à accepter que Jésus les voit. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est plein de compassion. Et si je dis oui, c'est vrai ce que tu montres de moi, oui, c'est vrai ce que tu dis, je crois en ce que tu dis, j'accepte ce que tu dis de moi, il est prêt à me pardonner mes péchés. Il est prêt à pardonner mes péchés. Mais si je continue à penser que ce que le gourou dit est vrai, et que je dis, non, non, je suis pas si pire, non, je suis correct, ce que je crois de moi est correct, je suis capable de... On va t'enlever même ce que tu as. On n'en rajoutera pas, on va l'enlever. Je crois que c'est pas facile à comprendre ici. Comment peux-tu l'enlever ce que j'ai pas? Je crois que peut-être que ça s'adressait aux Juifs, hein, de façon spéciale. Ce que tu as eu comme révélation avant, par les prophètes, par la loi, ben même ça ne servira à rien. Peut-être c'est ça. Mais une chose est certaine, c'est que faut que ma mesure soit juste. Et la mesure, ici, dans le contexte, je crois, c'est Jésus. C'est l'enseignement que Jésus a dit. Mesure-toi avec l'enseignement de Jésus. Faites attention de ne pas prendre comme mesure la loi, une loi quelconque. Si vous essayez si vous prenez la loi comme mesure, Dieu va prendre la loi pour vous juger et vous condamner. Si vous dites, moi j'essaie de faire les 10 commandements de Dieu, mais il va te condamner par ça. Parce qu'il va montrer que tu n'as pas fait les 10 commandements de Dieu. Et quand tu les as mis en pratique, tes motifs étaient impurs. Acceptons l'enseignement de Jésus en ce qui concerne l'évangile de Dieu, en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne l'être humain, en ce qui concerne qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Notre bon Père du ciel, nous te remercions pour l'enseignement que nous avons eu de la part de Jésus. Attention à ce que vous entendez. Celui qui m'enseigne, c'est Jésus, c'est sa parole. Et là, ma mesure est juste. Et là, tu vas ajouter à ma mesure. Tu vas me faire du bien à celui qui accepte la mesure que Jésus a mise en place. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce de faire entendre maintenant aux autres ce que tu nous as dit, afin qu'eux autres aussi aient un poids juste, une mesure juste pour s'évaluer.